Tuko na salimia kila dada na kila nduku mujina ya Bwana Yesu Kristu. Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus Christ. Na tunasalimia banduku na badada benyebe kone tufata kwa njia ya internet. Nous saluons également des frères et des sœurs qui nous suivent à l'internet. Ikimpendeze Mungu shibote tupate kuya chini ya ongozi ya roho moja. Si telle est la volonté de Dieu que nous soyons tous conduits sous un seul esprit. Na bila kukawia. Et sans tarder. Tutashimama njua kusoma njiko. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 24. Mwanzo sura makumi mbili na ine. Genèse chapitre 24 verset 58. Sura mwanzo sura makumi mbili na ine mstari makumi tano na mnane. Niko naomba. D'abord je vais prier. Bwana mfalme na mwokozi Yesu Kristo. Seigneur notre roi Jésus Christ. Asante sana kwa kutusaidia tuone siku ya leo. Merci pour nous avoir permis de voir la journée d'aujourd'hui. Kukubanduku bebo nafanya kila juma masafari mulefu. Il y a des frères qui font chaque semaine de longues distances. Banduku na badada beko nenda mapori kufanya mavuno. Des frères et des sœurs qui font en brousse pour faire la récolte. Banduku na badada bengine benenda makazi ya makomponi Seigneur. Des frères et des sœurs qui travaillent dans des entreprises. Ni weye eko netuchunga. C'est toi seul qui nous garde. Même ceux qui sont malades au sein de l'hôpital, Seigneur. Tout homme qui a vu la journée d'aujourd'hui, nous te supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme tu as accepté pour nous d'abandonner les ciels et de porter la chair humaine, tu ne l'as pas fait pour plaire au monde. Urifanya, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur. Nijuto kolewe biakwe. C'est pour que nous soyons véritablement sauvés. Maintenant, ibusubui, Seigneur. Maintenant, ce matin, Bwana. Utusaidie okovu ipate kuya kitu kya kweli. Aide-nous pour que le salut soit réel. Vile turingia ishikwe vile tutatoka. Comme nous sommes entrés, que ça ne soit pas de la même manière que nous allons sortir. Mkipima kubeba mipango fulani. Que chacun de nous arrive au point de prendre une kama décision. Kama mubintu bia maisha kimwili, Seigneur. Si dans les chose charnelle, nous prenons de fermes décisions. À combien plus forte raison à ce qui concerne aide mon frère, aide ma soeur. Qu'on ne prenne pas des choses à la légère. Parce que nos jours sont comptés sur la terre. Ouvre l'intelligence de chaque frère et chaque soeur. Que ce soit jeune fille ou jeune garçon. On ne puisse pas considérer que parce que ceux qui meurent dans ce monde, il y a des gens qui ont préféré être en vie. Il y avait des projets comme nous qui ont préféré terminer les études, qui ont préféré terminer la mission. Mais aujourd'hui, nous avons pas comme tu nous as aidé, Bwana, qu'on ne puisse pas prendre cela à la légère. Tu n'as pas d'accord sur ma nénola. Nous voulons maintenant lire ta parole, Seigneur. Cette parole n'a pas été écrite par les hommes. Ce sont des paroles qui viennent de toi, Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu venir briser pour nous le pain du jour. Lorsque toi tu arrives au milieu des gens, Seigneur, les pécheurs sont sauvés. Tout homme qui était malade trouve la guérison. Toute chose qui tourmentait l'homme Seigneur, dans son cœur, Seigneur, souvent ça trouve solution. Onokanisha kusema kumoya moya jana leo atamilele tena leo. Manifeste-toi que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Gomba ni kwetu kutenda ni kwako. C'est nous qui qui prions, mais c'est à toi d'agir. Ushuke, Seigneur, tukubali mwiki loko tunaomba. Et agrée-nous dans peu de mots. Na banduku na badada benye beko ne tufata kwa njia ya internet. Et même des frères et des sœurs qui nous suivent. Wewe anayua upana kila moyo. Toi, Dieu qui connaît la profondeur de chacun. Shuka mnamna upeke. Descends d'une manière particulière. Seigneur, fanya kinye muntu au feza itaweza kufanya. Fais ce qu'un homme ou l'argent ne peut pas faire, Seigneur. Jina lako Bwana Yesu Kristo tunaomba hivi. Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ils appelèrent donc Rebecca. Bakamuita basi Rebecca. Et lui dirent. Nakumwambia. Veux-tu aller avec cet homme? Eti unapenda kwenda na huyu mtu? Elle répondit, j'irai. Naye akajibu ndio ntaenda. Bwana apate kubariki maneno tunatoka kusoma. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au sujet de... Pas de soin, c'est pas de soin. Ah, ok. Ça va. Iko kitu kizuri kupatikana mnyumba ya Mungu. C'est une très bonne chose de se retrouver dans la maison de Dieu. Mnyumba mwa Mungu, mnyumba ya Mungu namo munekalaka discipline fulani. Dans la maison de Dieu, il y a une certaine discipline. Angaria ta wakati ba autorité tu banorganiza kama manifestation. Regardez même lorsque nos autorités organisent des manifestations. Kama chef de l'État n'ingia pa fashi. Si le chef de l'État entre à un endroit. Autona tena bengo na rusu bantu kwa yawaya na kutoka toka ndezo. Vous ne verrez plus autoriser les sorties et les entrées. Marangati kama tunapatikana kumbele ya Yesu Kristo. A combien plus forte raison si nous nous retrouvons devant Jésus-Christ. Sasike kumuzuri kila wakati kuheshimia ordre yenyewe beko netupatia. C'est pourquoi il est très nécessaire d'obéir à l'ordre qu'on nous donne. Kutoka kwetu ni après kuisha kumba. Notre sortie c'est seulement après la prière de la fin. Na pendant que tukunafuata kinyewe roho ya Mungu itetonesha. Pendant que nous suivons ce que l'esprit de Dieu va nous dire. Iko mzuri kujikaza kushimamisha bushingishi. Il est très nécessaire d'arrêter le sommeil. Niliona wakati majuma kumukongo wakati frère Mundo ko na ubiri. Je vis au courant de semaine passée lorsque le frère Mundo prêchait. Mulouange bantu batacheza sana. Dans la louange les gens dansent. Bataimba sana. Ils chantent tellement. Mais maubiri inaanza. Mais lorsque la prédication commence. C'était difficile des fois n'angara pas la pana chemache mais bantu banesha kulala complet. C'était difficile des fois vous regardez à un endroit il n'y a pas de diacre. Les na gens sont na mu bantu bote bantu bonala. Tout le monde somnolé. J'ai dit c'est très dangereux. C'est maïni atari. Parce que Dieu maintenant partie essentielle il y a ça, la partie essentielle de notre réunion. Biblia nasema Mungu anekalaga na okola ni wakati maubiri kuna pita. La Bible dit que Dieu sauve lorsque Mungu la prédication est en train de passer. Na kufanya bitu bia mingi ni wakati maubiri kuna pita. Dieu guérit et fait beaucoup de merveilles lorsque alors la prédication est en train de passer. Kubakia misonga. Alors il faut s'efforcer de regarder, de rester éveillé. Bakia mwene kufungula macho. Restez éveillé. Non seulement kufungula macho. Pas seulement être éveillé. Mais kuya mwene ku, kwa connecté ku kile roho ya Mungu. Mais néanmoins, restez aussi connecté à ce que l'Esprit de Dieu dit. Bwana mibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis mardi. C'est depuis mardi. Tulikuwa na beba hii tungo inaitwa un temps de décision. Nous avions pris ce sujet intitulé wakati ya kuchugua mpango. Nduku na dada. Mon frère et ma sœur. Unaona mudunia hivi shibote tukuna kui. Dans le monde tel que nous sommes en train de venir. Pour que tu vale vazi yao nkochi yao kikwembe ensemble fulani. Pour que tu portes ton habit que ça soit la veste ou l'épagne. Urisimama unangaria hiki unangaria hiki unasema njuu ya leo dimanche mitavala hiki. Tu t'es arrêté, tu as comparé parmi les nombreux habits, tu as dit non. C'est une décision. Ina yonimi pana. Na angaria wakati unavuala. Regardez lorsque tu portes. Même mule mupana roho yako. Même dans la profondeur de ton cœur. Urisikia fura. Tu t'es senti très joyeux. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bitu biote maisha muntu mudunia umu. La vie de l'homme sur la terre. Iku yane kufungwa na mamipango. Elle est liée aux décisions qu'on prend. Kama muntu anadesida kusema niku nafunda masomo nitaisha ataisha. Lorsque quelqu'un décide de tuer, il va terminer. Atana shindwa malangapi anasema paka nitaisha nitaisha. Peu importe combien de fois il peut échouer, il va se décider de terminer. Mirona kabatu mu campus. J'ai vu des gens au sein de campus. Anafanya ku faculté de médecine 12 ans. Il fait à la faculté de médecine 12 ans. Tu unamonesha sima koma huku nechika kubakia miaka mingi. Vous le demandez pourquoi vous avez accepté de faire anasema mu maisha yangu. Dans ma vie, Je me suis donné l'objectif de devenir médecin. Tous ces échecs ici ne me diront rien. Vous verrez que cet homme-là, lorsque vous quittez de la délibération, il est toujours en joie. Félicitations, félicitations. On a fait une félicitation, mais non, ça n'a pas marché. Vous avez échoué. Ah, c'est oui, oui. Oui, oui. Je suis obligé de chômer cette année pour revenir l'année prochaine. Il fait tous ces sacrifices pour vous. Vous allez vous poser des questions. Dieu a dit, à part la médecine, je te dis, à part la médecine, je ne vois pas d'autre. L'autre aussi te dira, à part la politique, je n'ai pas d'autre. Vous allez voir cet homme-là au fil des jours. Il est médecin. Il est ingénieur. Il est juriste. Juriste. Parce que moule mouro yake. Parce que dans son cœur. Il a pris décision pour devenir dans sa vie, il finira par le devenir. Ce sont des choses de la chaîne. Peut-être aussitôt avoir obtenu ce diplôme. Il ne fait qu'une année et puis il meurt. Il meurt après. Maintenant, nous, la question de prendre la décision que nous avons, ça ne concerne pas d'avoir ce n'est pas un problème charnel. C'est un problème de vie ou de mort, mais à tout prix qu'on alomba mipango ata inapasha kunifanya ke nibakie kilema ntechika kubakie kilema pourvu que nyende kumbini. Si ça demande de prendre une décision même pour que je devienne infirme, mais je le ferai. Kama inapasha nipate haya kumacho ya bantu. Si me faut même être couvert de honte devant les gens. Oui. Mitechika nipate haya. Je vais accepter de mais pourvu que nipate kwenda kumbini. Pourvu que je sois enlevé au ciel. Angaria frère dada na. Regarde mon frère et ma sœur. Kama tuende kumbingu. Si nous n'allons pas au ciel. Mimi nasema kai kumuzuri kubakia ta mukatoliki. On t'a mieux de rester même dans l'église catholique. Iku muzuri kubakia mu mouvement pentecôtiste. On t'a mieux de rester dans les mouvements. Kuliko siku hapa. Au lieu de venir ici. N'est pas allé au ciel. Na kisha kukosa kwenda kumbingu. C'est très compliqué. Inakuwa nguvu. Très compliqué, je vous dis. Il y a atari, tout homme doit s'arrêter. Naïve tout quoi, pa. Tel que nous sommes. Kama jusqu'à pa, oui, comme si jusque là où tu es là. Ikweda de kwendu. Que ça soit mon frère. Auna sura kusema leo nes kwenda kumbingu. Si tu n'es pas sûr que aujourd'hui tu peux aller au ciel. Maintenant, tu connais que tu fais jamais chez vous pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons encore traîner sur la terre? Tu connais que tu fais jamais chez vous pourquoi? Pourquoi voulons-nous encore traîner sur la terre? Iku muzuri. Otamia mon frère. Leo. Aujourd'hui là. Una fanya yote unaweza kufanya sa mwaminifu. Que tu fasses tout ce que tu peux faire. Umulamusho le frère ula shakula lolo wa jakete kubra kurazé. Pale karibu na kamera. Oui, frère Christianes kumbela kwa. Réveillez-moi ce frère. Frère, aina taya kulala hii. Mon frère, ce n'est plus le temps de somnoler. Aina taya kulala. C'est pas le temps de dormir. Regardez-moi mon frère. Parce que le problème sur lequel on parle, frère. Mon frère. Frère Branham faisait un commentaire, il dit. Branham a quoi la facilité à se l'homme vit comme si. La vie ne consiste qu'à à vivre sur la terre. Maisha ni inelekea tu kuishi paka pa dunia kunaisha. Se marier. Kuoa. Réussir matériellement. Uweza kupata maisha mzuri. L'homme oublie que. Au-delà de la mort, il y a la vie. Et regardez comment nous luttons pour la vie. Mais muntu asiamini akusema après hapa kuku maisha tena mulefu inapasha kwanza. Mais l'homme ne croit pas qu'après cette vie il y aura encore une muntu autre vie. Kombana sana. Il se bat tellement. Auze bilato. Pour qu'il paye des chaussures. Anakombana sana. Il se bat. Auze écran. Pour qu'il paye un écran. Akombane sana. Il se bat beaucoup. Auze Android. Pour qu'il paye un Android. Mes frères. Alakini nduku. Kama tulikuwa naweka nguvu yetu yote mumambo kusema nikuye mukristo. Si on mettait tout notre effort pour qu'on devienne chrétien. L'homme serait chrétien. Mutu angekuwa mukristo. Comment l'homme peut se donner beaucoup de peine? Namna kani mutu anaweza kujitabisha. Pour terminer l'université. Tu apate kumaliza masomo ya université. Mais kumambo ya Mungu njo kule tukuneka légèreté. Mais ce qui concerne la parole de Dieu, c'est là où nous négligeons. Ni kitu kibaya. C'est une très mauvaise chose. C'est vraiment une mauvaise chose. Adisi ya Rebecca, l'histoire de Rebecca, Isaac et d'Eliezer que nous venons de lire. Ni bantu frère banaume na banamuke barikuya sa weye na miye. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui étaient comme toi et moi. Ni bantu barizari kwa kwa bazazi paka sa weye na miye. Ce sont des humains qui étaient nés des parents. Ni risema mukatikati ya jumu. Je l'ai dit au courant de la semaine. Kitu kia upeke na batu bote ba mu Biblia. La chose particulière avec les gens de la Bible. Barikuya ni batu ba moya kama banapatana na Mungu wa byakweli au na maneno ya Mungu ya byakweli. Ce sont des gens lorsqu'ils se rencontrent avec le véritable Dieu. Barianza kuamini ya kusema njoo kitu kia kabaila minapata mu maisha yangu. Ils croient que c'est ça la chose essentielle qu'ils ont trouvé. Njoo kule tunachana na bona chiye. C'est par là que nous différencions. Mais tunapenda kwenda kumbingu moya moya. Nous voulons aller au même ciel que. C'est très compliqué. Ina kwa ngufu. Très compliqué. Na kwa bia ngufu. Barikuya na beba mipango moya. Il prenait des décisions telles que. Ute Julisa. Vous allez vous poser des questions. Aba bantu barikuwa kona upako moya fulani na tushindwa au ni pake moya moya situko nayo. Une onction différente à la nôtre ou bien c'est la même onction que nous avons aussi? Mais ni upako moya moya. C'est la même onction. Ni uwezo moya moya. C'est la même puissance. Ni Mungu moya moya. C'est le même Dieu. Ni maneno moya moya. C'est la même parole. Mais na comment ngambo yetu yaina na maefesa ngambo yabo? Comment expliquer que à notre époque ça n'a pas des mêmes effets? Kitumwa kiendeke. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kitumwa kiendeke. Il y a quelque chose qui ne va pas. Na babantu iliandikiwa njuu ya nini? Et ces gens, on a écrit leur histoire pourquoi? Ni juu siye ba mwakati ya kumwisho. C'est pour que nous les gens du temps de la fin. Tukuye na mifano ya mingi ile tunaweza kupatia hapo kufungukia hapo akili. On ait beaucoup d'exemples par lesquels nous serons vraiment éveillés. Tukuye na mifano ya mingi ya shiku imite. On ait beaucoup d'exemples à imiter. Tukuya na namna mingi ya shukubeba mipango mumambo wa imani yetu. Konei beaucoup de modèles sur lesquels nous devons copier dans notre foi. Mais pourtant, joki la tufanya. Et pourtant, c'est ce que nous ne faisons pas. Joki la tufanya. C'est ce que nous ne faisons pas. Nabiku bitu bia ole. C'est vraiment malheureux. Mais entre temps, Biblia kuna tukumbusha. La Bible nous rappelle que tuku naishi mwakati mubaya. Que nous vivons dans un mauvais temps. Non seulement yene kuandikiwa. Ce n'est pas seulement écrit. Na baubiri bego na jisukcede ku bego na turapele. Et même les prédicateurs qui se succèdent ici nous les rappellent aussi. Na mui wakati mubaya. Et dans ce temps qui est mauvais. Kumkile bana tulomba kiasi kufanya. Il y a ce qu'on nous demande à faire. Mais njo kila tufanye. C'est ce que nous ne faisons pas. Njo kila tufanye. C'est ce que nous ne faisons pas. Mais nous retenons néanmoins que c'est un temps mauvais, un jour mauvais. Alakini tunabamba ta vile ya kwamba ni wakati mubaya. Ce que nous devons faire, ile tunapashi kufanya, nous ne le faisons pas. Atuifanye. Et qui nous empêche de le faire? Ni nani anza tusuisa tushifanye? Ce n'est pas Satan. Aina shetani. C'est nous-mêmes. Ni sisi wenyewe. Parce que la volonté de l'homme, wani mapenzi ya mutu, est plus forte que Satan. Iko ya nguvu kushindia shetani. C'est nous-mêmes qui ne le faisons pas. Ni sisi wenyewe ndio atufanye vile. Vous croyez que c'est vous-même? Eti munaamini ya kwamba ni mimi mwenyewe? C'est moi-même qui ne le fais pas. Munaamini ya kwamba ni mimi mwenyewe ndio shetani. Satan ne peut rien contre la volonté d'un homme. Shetani hashiwezi kufanya kitu kenye kwa kinyume. L'homme a été créé un produit divin. Mutu arumba, ariumbiwa ni matokeo. Quand l'homme prend des décisions, kama mutu akichukua mpango, même Satan recule. Hata shetani atarudi nyuma. Satan recule. Shetani atarudi nyuma. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible. Tamionesha mfano mbiblia. Esaü. Utona kusema m'esprit moya moya ilikuwa natumika ndani ya Esaü, ba Judas. Ce sont les mêmes esprits. Les mêmes esprits qui travaillaient dans les Esaü et les Judas ni ro moya moya. On voit aujourd'hui. Il est tout kunaona leo. Mtu anayo kusema hiki kintu akina sauti ya Mungu. Quelqu'un qui sait bien que ceci ce n'est pas la parole de Dieu. Mais comme muku intérêt yake. Comme il y a son intérêt à lui. Et que lui veut se satisfaire. Anapenda jifurahishe. Il piétine d'abord la parole. Kwanza atakanyanga neno la Mungu. Il piétine d'abord la parole. Kwanza kwanza atakatala neno la Mungu. Regardez Genèse 28, je crois. Mwanzo sura makumi mbili na munane na wazia. Genèse 28. Mwanzo sura makumi mbili na munane. Prenez Genèse 27 d'abord. Verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Passons maintenant à Genèse 28. Verset 6. Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. Esaü akaona ya kwamba Isaac alimbariki Jacob. Et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram. Na alimutuma ku Padan Aram. Pour y prendre une femme. Jua kuoamo bibi. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Na mukumbariki alimpatia agizo. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Cana. Autaoa mwanamke katikati ya binti ya Cana. Vu que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Esaü compris. Esaü akaelewa. Ainsi que les filles de Cana déplaisaient à Esaü, à Isaac son père. Arielewa ya kwamba babinti ya Kanana abakumpendeze Isaka baba yake. Et Esaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, toto Abraham, et sœur de Naboth. Na nduku yake Naboth. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa. Anaona kusema, il a vu que aba banamuke baumwa bamfurahishe baba. Toutes ces filles d'ici ne plaisent pas. Mina sikia mina pata habari ya kusema namwambia Jacob pana koa umwende kwa chakula. Ya Jacob il faut pas te marier. Malgré kusikia, malgré qu'il a entendu ce que son père a interdit, mais ya rifanya nini? Il a fait quoi? Arifanya nini? Et vous allez trouver Mutaona, les mêmes attitudes, maali moya moya les kutenda, mêmes réactions abitendo moya moya, dans des croyants. Mubaminifu. Et anayoto kusema, hii sauti ya Mungu inakataza. Il sait très bien que ceci, la parole de Dieu, l'interdit. Mais il le fait néanmoins. A ta ville, anabifanya paka ville. Mais chaque jour, il vient à l'église. Kila siku weko naendelea kwa ukanisa. Vient à l'église. Weko na kwa ukanisa. C'est très compliqué. Bien à quoi en goût vous? Esaü compris. Esaü arielewa. Quand quelqu'un comprend, wakati mutu anaelewa. C'est-à-dire, il peut éviter ça. Manake anapashi kuye. Mais comment lui n'a pas évité? Sasa ye, Dieu a nini ashikuye puke. Parce que Rihona seme nabazazi yangu, Rihona bauma sane mandoa ni kunafanya. Il a vu que même mes parents ne sont pas contents de ce mariage que j'ai fait. Anasema mbo ayene nyongeze po ingine. Ceci ne suffit pas, je vais encore ajouter d'autres. Est-ce qu'on ne voit pas ça dans les églises? Eti atubione makanisa? On voit ça. Tukuna biona. Parmi les gens qui attendent aller au ciel. Katikati ya batu bale beko na chunga kwenda kumbingu. Frère Pitangara palo na shumama dadola shakulala. Akote yako daka ni daka pini na nakashine. Il y a une sœur qui somnole là-bas, il faut la réveiller. Monte mushika le bras croisé, vous talala. Ne restez pas bras croisés, vous risquez de somnoler comme un sénateur. Anayu akuseme kikintu ni kibaya. Esaü savait très bien que ceci n'est pas bon. Na kikuna uzunisha Mungu. Et ça triste bien Dieu. Mane kifanya? Malgré cela, il n'a pas pu faire. Un homme pareil. Quoi que vous le prêchez tous les jours. C'est vraiment un canard sur lequel vous versez de l'eau. C'est vraiment un canard sur lequel vous versez de l'eau. Ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Et vous allez trouver des esprits comme ça. Pas en dehors, c'est le catholique. C'est ici. Ni pas kaumu. C'est ici. Ni umu mwetu umu. C'est ici. Ni apa. Et là, frère, sœur. Ça s'andouku na dada. Ata benye tuku na pita kubiri. Même lorsque nous passons. Ni juba tu attendre, vous bien bantu batu bapate kokole wa biakwe. C'est pour que les gens continuent à faire ceci ou bien qu'ils soient réellement délivrés. Le salut, c'est abandonner les mal et venir à la parole de Dieu. Tu laisses ta volonté, tu commences à faire la volonté de Dieu. Et alors, si tu es dans l'église, toi, c'est ta volonté qui est devant toi. Et alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Na danger munene tukunayo leo c'est quoi? Le danger qui nous guette aujourd'hui c'est quoi? On a ce qu'il souvent qu'il les répète même frère Branham. Chaque fois vous entendez Baubiri oui, que ma. L'âge de la Odyssée est très dangereux. Nous entendons mais nous ne faisons pas attention. C'est devenu comme une récitation. C'est devenu comme une récitation. Au lieu de prendre la chose à cœur, et se mesurer lui-même dans cet âge de la Odyssée, lui retient ça comme un slogan d'un parti politique. Il retient ça comme un slogan. Et pourtant, quand le Saint-Esprit vous dit que c'est un âge dangereux, c'est pour que chaque soeur, chaque frère comprenne que je suis en danger. Et quand un homme comprend qu'il est en danger, il devient vigilant. Mais quand un homme ne comprend pas qu'il est en danger, il ne verra pas. Il ne verra pas. Il ne tunakuya mukambov tabernacle dada na ndugu. A Kambov tabernacle mon frère. Aina njua asikote kuikalaka pake vituzeke, tukwe bien tuze manyumba. Tous les jours nous continuons à venir comme ça, nous tunenepe tukwe à l'aise. Payons des maisons en façon quoi que ce soit. Kifukuzio tunafika mukambov tabernacle. L'objectif pour lequel nous venons à Kambov. Tukuna tafuta mupana mioyo yetu. Nous cherchons dans la profondeur. Tu as kwenda kumbingu. Pour qu'on puisse aller. Hata kama lufu inetukuta. Même si la mort nous tu es tayari njoo kwenda kumbingu. Maintenant kama kila kifanyike. Si cela ne s'opère pas. Tunesha kuishuwe. C'est-à-dire on a déjà échoué. Tunesha ushindi. Mtu la nashindwa masomo kama bada murepetela semu kukibumbafu hivi hapana kuichika vile. Celui qui échoue si on lui ana la mukakako. Un insensé, il faut pas continuer comme ça, il se réveille. Akuna mtu anachikaka bakie bumbafu maisha yake. Il y a personne qui peut accepter de rester insensé dans sa vie. Akuna mtu. Il n'y en a pas. Si mtu yote anatafutaka kuna yaba mona kusema no. Tout homme voudra c'est qu'on puisse le considérer comme. Danitape kwa sima pa mina kwa mtu, mina kwa akiri. Comme apprécie que maintenant je deviens intelligent. Et c'est ce qui ne va pas avec nous. Jo ile ayendeke pamoja nasi. Ce qui ne va pas avec nous. Jo ile ayendeke aifanike pamoja nasi. Tunabakiria bantu bakub paka ba ali. Nous sommes la forme des gens de forme extérieure. Et c'est une grande maladie. Na yoni magonja munene. Ça pika cravate nkochi. Bien habillé en cravate avec ce n'est pas ça l'objectif pour lequel on est. Aina njo kifuguzio kinyetu likuia pana. Ce n'est pas ça. Il aina njo kifuguzio. C'est devenu un peu comme le pharisaïsme. Il n'a quoi savoir qui pharisaïo. Jésus disait, Yesu alikuwa anasema, vous êtes des sépulcres blanchis. Mukutuma kaburi le bana penta byeupe. Au dehors, inje, on croit avoir affaire aux chrétiens. Kuna wazia sema ni ba Kristo. Mais au dedans, alakini ndani, non, ce sont des ossements, il n'y a aucune vie. Ni mifupa bure amuna bushima. Il n'y a aucune vie. Amuna bushima. Satan nous a piégés. Shetani anatuteka mtego. Et il nous a eu. Na anatubamba. Si Dieu te repasse mouisha Shetan Bubisi. C'est nous qui devrions défier Satan. Mais si Dieu te nanguka makila Shetan. Malheureusement, c'est nous qui sommes tombés dans les filets de Satan. Alors n'acceptez pas une telle défaite. Vous sitikie kuanguka kwa namna hii. Muntu anakuya kukanisa. L'homme, anashikia maubiri. L'écoute bien la prédication. Même kutoka, Shetan yako nambeba yote pakapo. Satan lui ravit tout ici dehors. Anakuya wa makari. Il devient colère. Anatoka anakuya paka wa makari. Il vient colérique, il sort toujours colérique. Il vient avec charati. Mukutoka mukuna asana buvula mais anabeba tena busharati ane. Vous croyez qu'il a laissé ça ici mais en sortant il va encore emporter cela. Vous donnez trop de la peine. Munaleta kazi ya nguvu. Vous donnez trop de la peine. Munatuletea kazi. Sauti ya Mungu kunaambia mtu. La parole de Dieu s'adresse à l'homme. Tant que cela dépend de toi individuellement. Wakati ile inakuelekea wewe. Recherche la paix avec tout le monde. Tafutishe salama na watu wote. Mais ule mtu. Mais cet homme là. Anatoka. Il sort. Il entretient. Eko na chunga. L'inimitié. Wadui ndani yake. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec un homme? Sasa mtafanya naye nini mtu wa hivi mwanamke wala mwanaume? Marikala. Il était pendant 1 heure, 2 heures en train de prendre et à la sortie, il va toujours dans son conflit là. Il entretient son conflit. Vous continuez à venir pourquoi? Ça n'a pas de sens. Christ ou mon Bible, quand ils vont sortir de là avec une décision. Qu'est-ce qu'il a fait qui n'était pas conforme à la parole de Dieu? C'est ce que nous ne sommes pas. C'est devenu comme un club politique où les gens viennent. Quand ça n'ira pas, il est de c'est pas FCC ou quoi. Change maintenant de camp. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Mambo Mungu, dans la parole nous de Dieu, luttons paka bubaya bunitoke. À tout prix que le monde inasema. Tout ce que la parole ni combat paka ni kishi. Et je me batte afin de kama mambo ya Mungu inanyambia tafutisha salama. Mimi mwenyewe mimi naanza kukombanisha. Hata kule bitenilomba haya. Nikalombe nipate kwa msalama. Mimi ne peux faire ça. Vous ressemblez à Esaü. Unafananisha na Esaü. Maintenant vous continuez à venir pourquoi? Mais la parole vous dit clairement qu'en faisant ce que vous faites, vous n'êtes pas différent d'Esaü. Esaü a compris ce que la parole lui demandait. Mais comme si ça ne suffisait pas, il a ajouté erreur sur erreur. La Bible n'assema. La Bible dit, mieux valait que ne pas connaître la voie de la vérité que de le connaître et ne pas le mettre en pratique. Tu connais très bien la voie de la vérité, mais tu ne la mets pas en pratique. C'est très dangereux. Il n'a quoi y attari. Angara, prends Colossiens chapitre 4. Wa Colossae sura ya 4. Colossiens 4. Wa Colossae sura ine. Colossiens 3 plutôt, pas 4, j'ai commis une erreur. Wa Colossae sura 4, m'same. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour Ngoindai. C'est ça? Comme pour les frères et les sœurs. Comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Yote unakuja kufanya mu maisha yako. Tu sais que tu voudras faire. Yua kusema kunafanya njoo kupendeza Yesu Kristo kunaisha. Sache que tu le fais pour plaire au Seigneur Jésus Christ. Uko na wewe mwenyewe convaincu hapa niku ni kumbele ya Yesu sira kumbele ya bantu. Tu es toi-même convaincu que tu es devant Dieu, tu n'es pas devant. Si tafute bantu banitape, niku natafuta kuya en ordre na neno la Mungu. Mais je voudrais bien être en ordre avec la parole de Dieu. C'est de cette façon-là que nous devons marcher dans la parole. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Benye kujua kwamba mutapokea toka kwa Bwana uiriti. Wa kulipa ni Yesu Kristo aina bantu. Celui qui doit nous payer c'est le Seigneur Jésus Christ, ce sont pas les hommes. Daga pia unalala sana. Shula muka atakushimama. Sir Kapitu, tu as beaucoup dormi. Réveille-toi. Kwambia acha bra kurazo kuna fon paka bra kurazo. Je t'ai dit de ne pas croiser les bras mais tu continues à le faire. Fanya biunju ya Yesu Kristo. Fais-le pour le Seigneur Jésus Christ. Mushini shangapi sasa je sais voir même mtu kumkona je sais voir avec ça. Ne m'étonne, ne sois pas étonné de moi puisque maintenant ni kunaona hata mtu mbari. Tunaanza sie kufanya biote. Nous commençons à tout faire. Apana njia ya bantu bani tape. Ce n'est pas pour être apprécié des gens. Muntu moya tenikote ni Yesu Kristo. Na muzamiri yangu nikunafia kuya na mawazo paka njia kuni kunikotea kwa Yesu Kristo. Je voudrais avoir dépensé de telle manière que tu vas me contester comme ça. Mwanaume wala mwanamke afanya hivi. Commence à contrôler ses sentiments et ses pensées. Pas vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de Jésus-Christ. Ataanza kuchunguza na mania na mawazo hapana mbele ya bantu lakini. Eko convaincu akusema. Il est convaincu. Ibi niko nafanya hapa pa mimi moyo. C'est que je fais. Ata Yesu kwa hapa tenipa main d'association. Même si Jésus-Christ est ici, il va m'apprécier. Yesu atenilipa mzuri. Jésus-Christ va très bien me récompenser. Na Mungu frère tunaamini. Et c'est Dieu. Ni Mungu aliambiaka Ibrahim. C'est un Dieu qui a dit. Je crois dans Genèse 15 ou 17 c'est pas. Mwanzo 15 na 17. Tunaweza kuisoma. Tutalurea ku Colossiens. Nous reviendrons sur Colossiens. Genèse 17. Mwanzo sura yake ya 17. Genèse 17. Mwanzo sura 17. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, wakati Abraham alifika umri ya miaka 90, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Et sois intègre. Mungu alipendaka Abraham akwe conscient d'une chose. Dieu voudrait qu'Abraham puisse connaître quelque chose. Que fashi yote eko, que partout il se Mungu eko na mona. Dieu est en train de le voir. Na yua kupoze ma actu yua kusema niku na kuangaria. Sache a poser des actes sachant que niri kutosha mu mazebu. J'étais sorti de dénomination. Mien John di kufanshia malako. C'est moi qui t'ai promis. Je te surveille jour et nuit. Niku na kuchunguza usiku na mchana. Je surveille tes pensées. Niku na angarishisha mawazo. Alors sois conscient de ça. Kumbe upate kuinua vini. Sachant qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Pas les hommes. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois conscient de ça. Rien ne m'échappe. Et Abraham marchait conscient de ça. Abraham a quoi moyen que t'aimer, moyen que tu avilé. Sois intègre. Quand Dieu demandait ça à Abraham, Abraham était né de nouveau. Non. Abraham n'était pas né de nouveau. Abraham a quoi valu que zaliwa mara ya pili. Mais nous, on a un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est-à-dire l'intégrité aujourd'hui ne doit pas être un slogan. C'est une vie. Combien d'exhortations il avait, lui? Et nous, on n'a pas. Nous, on a reçu beaucoup qu'Abraham. Mais Mungu alipenda tu kitumwa Abraham abambe. Mais Dieu voudrait qu'Abraham puisse avoir. Akusema uye kuna nyobserve. Qu'il sache que c'est lui qui m'observe. Atamania mumoya neyonaka. Même le désir du cœur. Alors, nikuye attentif kubile nikuna fanya. Que je sois attentif à ce que je fais. Nikeshe kabisa kumania yangu kubyangu byote nisipatikane mukosa kumacho yake. Je ne me retrouve pas dans les fautes devant Dieu. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que Rio kusema nikumukiapo kimwani kuna chunga mambo maya nguvu kushinda abantu bote. Il savait qu'il a un serment, il attend quelque chose qui dépasse tous les gens. Si tu kuna kile tu kuna chunga cha nguvu kabisa kushinda abantu bote. Nous avons quelque chose qui nous attend. Kabisa, kabisa kushinda abantu bote. Qui est très précieux. Ni kulamuka mukaburi au bujima mina kwenda kumbingu. Soit être ressuscité ou soit vivant aller au ciel. Tukile si tukuna chunga. Voilà la chose que nous attendons. Darebe kumla mushule dada ukumbele ya kwa shakulala na. Darebe karefe la sœur qui est devant toi. Bantu benye nini muna ni baridi ou bien? C'est quoi? C'est le froid qui vous font dormir ou quoi? Faut kujikaza. Faut vous efforcer. Sasa kama pasteur unamwona kuna lopola na yeye. Si vous voyez que le pasteur ici commence à somnoler, qu'est-ce que vous allez faire? Sois intègre. Uwe wa kunyoroka. Je suis le Dieu tout puissant. Niko Mungu wa uwezo wote. C'est-à-dire, manake, aminia kusema, croyez que hakuna kitu kinenyesha paka. Il n'y a rien qui m'échappe moi en tant que Dieu. Hakuna kitu. Il n'y a rien. Kile si yuake. Que moi je ne connais pas. Yote mina yu. Je connais tout. Est-ce que sommes-nous conscients que c'est le même Dieu Tout-Puissant qui surveille chaque soeur et chaque frère? Ah, non, nombreux ne le savent pas. Vos actes parlent plus fort. Kama mtu yuko conscient frère. Parce que quelqu'un en a joué ville. Bale mu mando aba semeshane bar pas kushimama hapa banasema nono. C'est qui ne se parle pas d'aller. Et il devait nous dire appelle-moi ma. Aba tu kala ko conscient iki banasema. On ne savait pas ce qu'on vient de dire ici. Les gens ne sont pas conscients. Bantu aba tambue ile. C'est pourquoi Joko amana de religieux. Ba kidini. Ils sont habitués à venir à l'église. Ils sont habitués à venir écouter les prédications. Mais être quand on dit quelqu'un est conscient, c'est quoi? C'est-à-dire, il a la personnalité, la personne avec lui. La conscience Zamiri, fait qu'un homme réfléchit avant de poser un acte. C'est ça la conscience. Quand la conscience fonctionne, l'homme là, il sait que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Il sait distinguer les choses. Mais quand quelqu'un fait foncièrement ce que la Bible ne déconseille, sa conscience est déjà morte. Mais c'est un homme. Sa conscience soit est endormie. Sa conscience est endormie. Tous ces gens dans cette église qui trichent, qui volent, qui font toutes ces abominations-là. Vous allez me dire que leur conscience fonctionne? Non. Apana. La conscience est déjà morte. Zamiri abo ishakufa. Qu'est-ce qui reste? Ninini ile nabakia. Ils sont sur des espérances trompeuses. Banabakia tu yule matumaini ya bongo. Ya bongo. Des espérances. Maintenant, où qu'on a gagné, nini, ouais, qu'on bâtit à matumaini à bongo. Qu'est-ce que tu gagnes à rester avec matumaini à bongo, nini? Espérance trompeuse, c'est quoi? Mais si t'as attaqué. Moi, je n'ambifie pas les corps. C'est quand que ma mèche. Je ne porte pas voilà les mèches. Je m'habille décemment. Si t'aimes bien que naba naume, naba bibi bengine. Je ne couche pas avec d'autres femmes. Frère. Il ne garde qu'une forme religieuse. Banabakia tuna ali ya inje inje ya kidini. Mais moule ndani moule asina mona bu Christo. Il n'a pas la chrétienté en lui. Regardez Jérémie chapitre 7. Tazameni Yeremia sura saba. Jérémie chapitre 7 verset 3 4. Jérémie sura 7 mstari wa 3 na 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Hivi wa milele wa majesi Mungu wa Israeli. Réformez vos voies et vos œuvres. Mutengeneze manjia yenu na. Et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Na mitamiacha muendelee. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses. Mushijitowe ku matumaini ya bongo. En disant, c'est au Kambove tabernacle qu'on prêche la vérité. Mukanisa Kambove beko na ubiri ukweli. C'est bien. Ni mzuri. C'est bien. Ni mzuri bile biote. Mais réformez vos voies. Alakini mutengeneze. Quand on dit réformer, c'est quoi? Wakati wanasema mutengeneze. Regarde ce que dit la parole. Na bilo kunafanya bina pamoya acha byako na bakia mukile sauti ya Mungu inasema. Angalia kile neno la Mungu, ce que tu fais là, ce n'est pas conforme alors. Kuliko kuendelesha kuya paka mukambofu tabernacle. Uliake devenir toujours au Kambofu tabernacle sans rien faire. Hapana. Regardez le verset 7. Musare à Saba. Non, verset 8. Musare à Mnane. Mais voici. Vous vous livrez à des espérances trompeuses. Najitowa kumatumaini ya bongo. Qui ne servent à rien. Yashipo kusaidia kukitu. Quoi? Nini? Dérober. Kuiba. Tuer. Kuua. Commettre des adultères. Kutenda mabusherati. Jurer faussement. Kulapa bia bongo. Verset 10. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. C'est afin de commettre toutes ces abominations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kuya kwa kujiunga kukanisa. Se joindre à kuya kwa budu. Venir à dole. Hivi tuku na kuya. Tel que nous venons. Mtumishi wa Mungu Branham anasema. Le serviteur de Dieu Branham. Kila siku tuku na kuya ni juu ya siku ya bantu bazuri. Chaque jour nous venons ici c'est pour na nous améliorer. Na mtu mzuri ni Mkristo. Non m'améliorer c'est un chrétien. Tadiri siku wote niku na kuya. Niku na vumbula kila kina sawa na kina mina kitula. Mukutoka mina toka mtu mupya. Je découvre ce qui n'est pas conforme, je le laisse ici, en sortant, je deviens une nouvelle créature. Je deviens une nouvelle créature. Tu es tribaliste. Tu entres tribaliste. Tu sors toujours tribaliste. Es-tu venu devant Dieu ou devant les hommes? C'est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. Kanisa, l'église, ikusanikanjia. C'est comme un petit sentier. Kemo nakusaidia kukutana na Mungu. Qui t'aide à rencontrer Dieu. Ni njia ile Mungu bana kufunisha se kwa pitia hapa. C'est un sentier. Mais objectif, l'objectif dans ni pitia pale kufika kunyewe Mungu huko natafuta ufike. Tu passes par là pour atteindre l'objectif. L'objectif c'est Dieu. Kifukuzio ni Mungu. L'objectif, ce n'est pas s'arrêter à l'église. Kifukuzio haina kusimamia tu mukanisa pana. L'objectif, ce n'est pas seulement s'arrêter à chanter, à être kusimamia à la chorale. L'objectif, c'est d'être délivré complètement. Kifukuzio ni kukombolewa kabisa kabisa. Parce que le Dieu qui délivre est ici. Wani Mungu leo unakombolewa. Maintenant, manquer la délivrance. Kukosa ukombozi. Vous avez failli à votre bana objectif. Unakotola aufike kifukuzio. Sois intègre, Abraham. Sache que je t'observe. Je pèse tes pensées. Je pèse tes sentiments. Tout ce que vous voulez faire, faites-le sachant qu'il y a un tout-puissant qui vous observe. Faites-le pour le Seigneur. Le même qui observa Abraham, c'est le même qui t'observe, mon frère. C'est le même qui t'observe, ma soeur. Et il n'y a, regarde, retournons à Colossiens 4, là on a lu. Colossiens 4, là où nous étions. Colossiens 4, là où nous étions. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Comment nous servons le Seigneur? C'est en faisant ce qu'il nous demande. Dans toute notre vie. Regardez maintenant le verset 25. Car celui qui agit injustement, c'est-à-dire qui fait ce que la Bible ne recommande pas, recevra selon son injustice. Dieu va le récompenser selon ce qu'il est en train de faire, même s'il est dans l'église. Nous avons celui qui récompense correctement. Nous avons celui qui paye. Marraine Jean-Claude disait, les défunts, celui qui paye, ce n'est pas Satan, mais celui qui paye, c'est Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, c'est un travail. Celui qui va nous récompenser, c'est Seigneur Jésus-Christ. Et alors toi, il va te récompenser. Sur quoi? Sur ce que tu fais. Être têtu? Tu acceptes de rester tel que tu es là. Est-ce que tu es payé tel que tu es là? Est-ce que tu es défendu? Sois tendre. C'est dans un temps où chacun de nous doit arrêter toute la folie. Celui qui doit récompenser, il est Dieu me voit. Mita vérifier bintu byotendani ya maisha yangu. Je vérifierai toutes choses. Mungu anaweza kwanza na kulipa na wewe kwanza leo na unaenda mbele. Je vais commencer te payer aujourd'hui. Mungu Kristo amuna retard. Dans la chrétienté, il n'est pas question de venir en retard. Il n'y a pas question de venir en retard. Bible nasema hivi, Hébreux. La Bible dit ceci, moi Hébraïe. Hébreux chapitre 6. Wa Ebrania sura 6. Non, 5 plutôt. Sura 5. Verset 12. Mustari ya 12. Vous en effet, moi basi, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Bale tangia zamani mulipashi kwa balimu. Mwenjo mulipashi leo yu kwanzi kuonesha bantu mambo ya Mungu. C'est vous aujourd'hui qui devriez enseigner la parole de Dieu. Wewe njoo mulipashi da leo frère kuna ambia bantu aseme kwa hivi ni mubaya. C'est toi aujourd'hui qui devrais dire. Kuishi hivi mundoa ni mubaya. Vivre de cette manière c'est pas correct. Utoliza mtu. Vous allez poser la question. 20 ans dans le mariage. Miaka makumi mbili mundoa. Mais pour quel résultat? Na matokeo kani? Contestation sur contestation. Mubishi yule ya mubishi. Injure sur injure. Matouche, yule, vous matouche. Qui devriez être des maîtres. Moi, je ne suis pas à Balimu. Où mon niveau quand? Tu es à quel niveau? Est-ce que l'on tombe sans se relever? Et tu vas nanguka kabila kulamuka? Vous qui devriez être des maîtres. Moi, vale mon pas quoi, va kufundisha bengine. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les choses élémentaires des oracles de Dieu. Mungariki na itaji ba mufundisha tena bitu ya chini. Frère, mon Christ analumia na kako. Un chrétien il pardonne. Mon Christ shibake dime. Un chrétien ne vole pas la dîme. Mon Christ shilofake au kanisa pour que vous voulez. Un chrétien s'absente pas sans raison. C'est bien tout bien tout. C'est vraiment ridicule. Mon Christ shikalake romu baya ivi. Un chrétien ne peut pas être méchant. Mon Christ comme politique. Mais on est obligé de revenir à ça. Parce que par exemple, vous savez qu'on a retard à croissance. C'est comme si les gens sont en retard, sont en retard de croissance. C'est vraiment malheureux. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole. Vous êtes encore trop pas. Mais pourtant, nous sommes à la fin. Toi, tu es encore bébé. Na tuko nasema hivi ni jua nini? Sijui bana bantu wote wako na butoto muimani. Butoto msimame. Qu'il prenne des décisions. Vous arrêtez cet enfantillage. Qu'il prenne des décisions. Bachugwe mipango. Na wewe mwenyewe sema mu mambo ya Mungu ni kuna butoto bubumbafu sana. Que tu puisses te dire dans la parole de Dieu, j'ai encore l'enfantillage, je suis encore insensé. Kusikia kile Mungu anasema n'est pas kukitenda ni butoto. Écoutez ce que Dieu dit n'est pas le mettre en pratique, c'est être enfant. Unaweza kuwa miaka mkubwa mais mtoto. Tu es adulte en âge mais tu es encore bébé dans la foi. Mtoto. Vraiment enfantillage. Menangari. Regarde. Croissance haifanyike mzuri ni chani. Comment ne se fait pas correctement? Ni mahuduma inako? Est-ce qu'il n'y a pas de ni neno la kweli inako? Est-ce que la parole de Dieu véritable n'est pas là? Pourtant, Dieu te dit quoi? Et pourtant tout est là. Na ukomani. Mais tu ne crois pas. Il y a quelque chose de faux. Kuku kitu wa kiendeke. Soit tu n'akuzari kwa kunya uyazari kwa ka. Soit tu n'es même pas encore né. Dieu vit tout qu'on a chika maneno wa Mungu shikote. Parce que de telle manière que nous écoutons la parole de tous les jours. Mungu ula rikuita. C'est Dieu là qui t'a appelé. Eko na shiku anesha kutarisha dada fulani, frère fulani, frère fulani. Il y a un jour qu'il a prévu. Munamna atakutembelea. La manière dont il va te visiter. Anakutosha pazia pa macho. Va t'ôter la voile devant tes yeux. Ndio vile Mungu anatendaka. C'est de cette manière là que Dieu agit. Ndio vile Mungu anatendaka. C'est comme ça que Dieu a toujours agi. Mais comment naïbu subui leo? Si même ce matin. Mule muro koko na wewe mwenye convaincu kusema. Dans ton cœur a patan le fumer a fanyika mistende. Ile kuna kuempêcher ni. Si faisais, je ne serais pas enlevé. Qu'est-ce qui t'empêche? Ni wewe moya. C'est toi-même. Ni wewe moya. C'est toi-même. Néanmoins, vous écoutez des avertissements tous les jours. On te dit que les élus sont lorsque tu entends, ne crois pas que ce sont des blagues, des histoires. Non. On te le dit pour que tu puisses ouvrir l'intelligence. Ou pas t'acquis à cousser ma attention, mais il ne faut pas que je sois distrait. Que tu saches que Aïpachi ni l'engagement. Quand la Bible dit il y a peu d'élus, Dieu ne le dit pas en blaguant. Bate ou le bec au kilo. Les élus sont moins nombreux. Abasseme sauf les prédicateurs ou les anciens ou les diacres. Les élus sont très peu nombreux. Bate ou le bec au kidoko sana. Les véritables croyants qui tiennent la chose de la parole au cœur sont très peu nombreux. Maintenant posons-nous la question. Et la grande foule là, elle fait quoi? Ça c'est le kundi abatu mingi kunafanya nini? Si wai wai. Bena uzungulu kabule. Wai wai. Bana wai wai ya. Ça c'est frère. Et maintenant, mon frère, pourquoi est-ce que nous avons quitté les dénominations? C'est très grave. Incroyable. Les élus sont peu nombreux. Maintenant, il y en a combien? Efforcez-vous d'entrer. C'est ça la parole. Comment va-t-il quoi, Bawiri? Toi aussi, efforce-toi d'être parmi les dieux. On s'efforce comment? Je vais le déposer. Hébreux 12. Wa Ibrania 12. Avertissement, il est modèle. Toi qui écoutes, qui écoutes, tu ne fais que te cramponner. Lorsque je vais rentrer, il sera, il verra de quoi je m'échauffe. Alors tu es insensé, tu ne comprends rien. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, Josia, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, qu'est-ce qu'on vous demande, ma soeur et mon frère? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. La décision d'arrêter la chose. Ça me fasse mal, mais j'arrête quand même. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Tout ce qu'il te faut pour t'aider, c'est la parole de Dieu et les ministères. Il faut pas faillir. Il faut pas laisser embarrasser tout ce que Satan te donne qui est insensé. Il faut le déposer. Frère, malgré que tu as fait n'importe quoi, nous sommes dans un temps où tu peux réparer aujourd'hui. Dans un temps où toutes choses peuvent revenir en ordre. Ne pensez pas que chez Dieu, c'est comme chez nous, nous les hommes. Les hommes vont commencer à te regarder et à penser à ton péché. Mais pour Dieu, dès l'instant où tout est mis en ordre, pour Dieu, ça ne compte plus. Mais avance. Ne perdez pas le temps. Verset 2. Ayant le regard sur Jésus, qui fait quoi? Qui suscite la foi et qui peut l'amener à la perfection. Macho yetu apana kuangaria bantu angaria paka Yesu. Una nafanya kake imani ya mtu inaanza kwenda kumbele. Aina bantu, aina mbiri ni Yesu Kristo. Manaanza kulilia paka Yesu Kristo. Maisha yako yote lilia paka Yesu Kristo. Tafuta kukufurahisha paka Yesu Kristo. Tafuta yako umonesha kusema mawazo yangu haikaleke mzuri kila wakati. Kusenda kwangu haikaleke mzuri. Ou j'adresse pas qu'à Jésus Christ. Continue à te cramponner à Jésus Christ. Tu vois, c'est le conseil que Naomi avait donné à Ruth. Je vais maintenant assurer ton repos. Ruth chapitre 3, je crois. Luta sura 3 minawazi. Ruth. Luta. Ruth chapitre 3 verset 1. Luta sura 3 musari ya kwanza. Naomi sa belle-mère lui dit. Ruth c'est après juge. Luta nikisha wamzi. Luta mama yake mkwe akamwambia, je voudrais assurer ton repos. Sasa nitakupatia mapumziko. Afin que tu sois heureuse. Ili upate kuwa raha, waheri. Mina fia ni kugarantir bia lote. Je vais te garantir d'office pour du bon. Ou pas te eri a lote. Que tu sois heureuse d'office. Unaona mashiko teri taransi kwenda mashambu. Tous ces jours que Ruth allait dans les champs. Elle regardait aux moissonneurs, d'autres femmes. C'était quoi? Signature ya mwisho. La dernière signature. Kile na muima shamba kia kabaila sasa kia woku fanya po sasa nini. Dans ces champs, qu'est-ce qui est maneno ya Mungu muturikuya. Dans la parole de Dieu, nous sommes uriansu kwa ngarago de faba diakre, pasteur, tout ça badada wa duk. Mais apa tuna tena mwile nivo. Nous ne sommes plus à ce niveau. Tuku mwivo ya kwa ngaririsha paka fashi Yesu Christo eko. Nous sommes maintenant au point de regarder seulement là où se trouve Jésus Christ. Je vais assurer ton repos. Maintenant, pour assurer le repos, Naomi lui a dit ce qu'il faut faire. Naomi a lui a dit faire. Va seulement là où il y a Boaz. Va seulement supplier devant Boaz. Njoe qu'on a droit à quoi qu'on la bantu. C'est Boaz. Njoe qu'on a ouais qu'on va dire ça bantu. Maintenant, on couriria moui moman Jésus Christ. C'est lui pour qui il faut plaider, c'est seulement Jésus Christ. Wa konesha upane kundanya moyo wako ni Jésus Christ. À qui il faut montrer la foi. Njoe qu'on pas se faire. C'est Jésus Christ, ni wewe wako wa moyo wa waki. Naibu subuhi ni kuna mini. Mungu bantu baringia na mipango ingine. Me hapa roho ya Mungu kuna sema. Subeme mipango sasa kufatana na neno la Mungu. Vile ulitoka kunyumba kuya na madesizyo ingine. Ulitoka mwali ingine. Me huku ni kwa Yesu na kuya. Apana tena kutuangarisha sibote. Teka mashikio kukile roho kuna konesha. Toka mwane kubeba mipango ingine. Sor tout en prenant une autre décision. Où n'es-tu causé à ville pourquoi? Pourquoi tu te causes des ennuis? N'es-tu causé à ville pourquoi? Tu te causes des torts pourquoi? Bah Christ, tu cambales quoi au canisa? Les chrétiens lorsqu'ils arrivent à l'église, monte qu'on a souci au sema. Mungu chasse me ko sujet à maisha yangu. Vous allez voir quelqu'un qui a les soucis que Dieu parle un peu Mungu chasse me ko namna matabia yangu. Est-ce que Dieu me voit vraiment? À son sujet, à ta Julisa, et il a besoin que Dieu parle à son cœur. Anapenda Mungu aseme na moyo wake. Kama Mungu anatakia zambi yake anasema oui oui Dieu m'a vu. Et que Dieu parle davantage, que je sache ce que je dois faire. Nipate kujua kia mi kufanya. Je vais assurer ton repos. T'as coupé ta mapo musique. Et ce message aussi est venu à nous pour assurer le repos. Dieu a coupé ta mapo musique. Pour nous donner le Saint-Esprit. Dieu a coupé ta Rome takatifu. Mais il y a des consignes à observer. Alakini kuku wa gizo ya kufanya. On ne donne pas le repos comme ça. Il y a des consignes à observer. Mais mambo ko observer ma consigne, je parle bantu bengo na jambo. Ce que tu dois observer, c'est là que les gens se cramponnent, s'arrêtent. Et pourtant, regardez. Ruth était partie de Moab. Pourquoi? En partant de Moab, Ruth insistait auprès de Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Autrement, elle allait pour avoir Dieu. Nous aussi, en venant ici, c'était pour avoir Dieu. Mais ne pas avoir Dieu ici, frère. C'est impensable. C'est impensable. Attends, mais j'ai changé un coach, mais j'ai manqué le but pour lequel même je suis si venu. Si je change de veste tous les jours, mina kosa ki fuguzio kinyena likulia. C'est impensable. Akuna namna kuifikili. Ruth, kile kirmutumaka mu Israël. Ruth, c'est qu'il a poussé. C'était pour avoir Dieu. Elle avait compris qu'elle n'avait pas Dieu. Nous aussi. Nasisi. Nous avons réalisé que même nouvelle naissance, il va rendre te faire croire ni quoi qu'il y a bon. Mais qu'on nous montrait là était faux. Mais n'a pas la couille, parfois, je parle, on est bouché à bien tout correctement. Mais on a zari quoi mal à pile, mais en Afrique, on a zari quoi mal à pile. Écoutez des choses correctement, mais tu y arrives, mais tu ne parviens pas à naître de nouveau. C'est très grave. N'a quoi y a tari. C'est très grave. Ni a tari. N'angara Ruth. Regardez à Ruth. Ruth, Luta, alikuwa très attentive kukile Naomi yako na Mungu. Alikuwa mwenye kuteka sikio aseke Naomi lui dit. Parce qu'elle risquait kusema donc il marche côté missiona na réponse mais ndio au yapata réponse il avait compris que tous ces jours ici elle n'avait pas de réponse. Il n'avait pas encore reçu Dieu. Naomi elle est passée par une église. Ali pitia pa kanisa Naomi ni kanisa. Bana mwenye sema mena hapa sasa. Lui a dit hapa maintenant. Minji ya kura shuripata. N'est-ce pas tu as y a mangé? N'est-ce pas que orange kwenda shikote bana tupa minji tunakuri. Tu allais tous les jours au marché. Na ina kifukuzio ya kwenda ku kanisa. Ce n'est pas ça l'objectif pour lequel on va à l'église. Est-ce que baki robe kwa hapa? Est-ce que les spirituels sont Rita le chaque jour elle glane. Rita rance kwenda kila siku na. Au retour. Na kota. Deux meka, trois meka. Dia, il avait une quantité de maïs à manger. Naomi lui dit non, non. Naomi a mwambi apana. Dieu a conduit tes pas dans les champs de Boaz. Mungu arongoza mikulu yako mu mashamba ya Boaz. Ce n'est pas pour que nous ayons du blé ou du maïs. Aina juu tupate chakula, apana. Dieu nous a amené à ce message. Mungu alituleta kuyu ujume. Pour que nous, pas pour que nous soyons bien vêtus. Aina juu tukwenda mavazi, apana. Non. Apana. Dieu nous a amené à ce message. Mungu alituleta kuyu ujume. Pour que la même foi qu'avait Pierre soit en toi. Et si tu comprenais ça, c'est fini là, c'est la fin de tes ennuis. Ou tu as maintenant qu'on garde ce mot. Mais si elle fait mon niveau à Pierre, je ne suis pas encore il faut qu'on fasse mon niveau à Pierre. Pierre. Il faut que j'arrive à ce niveau. Faut niveau à il faut Pierre. Que j'arrive au niveau de Pierre. Maintenant, couille. Maintenant, venir. Couille à l'aise tout matériellement. Ruth avait expérimenté ça. Luther, mais Ruth en allant en Israël, c'était pour avoir le Dieu d'Israël. Et il quoi, Dieu a pâté Mungu à Israël. C'était pour avoir le Dieu d'Israël. Il quoi, Dieu a pâté Mupata Mungu à Israël. Rahab. Rahab. En cachant les ennemis. C'était pour quoi? Il quoi, Dieu a nini? Seulement avoir la vie sauve et rester en vie. Dieu, collé toi avec un mujima boule. Non! Que le Dieu d'Israël soit mon Dieu. Que le Dieu d'Israël soit mon Dieu. Et nous aussi. Nasisi pia. Tous ces types-là montrent ce que le véritable croyant cherchera aujourd'hui. Mais si tu es le véritable croyant aujourd'hui, tu es la véritable croyante aujourd'hui, tu te rends compte que tu t'étais éloigné de la voie. Décide-toi. Décide-toi de revenir. Tu vois, on a toujours chanté un cantique. Kila mara tunaimbaka wimbo. Un croyant, je croyais être. Mukwami, mais j'ignorais le bonheur. Alakini mina sabura. Je crois, hein, on a toujours chanté un cantique. Wimbo mwina mna. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Misi kuijue. On a déjà chanté ça ici, je crois. Un croyant, je croyais être. Mukristo, naruwasia, sema njokile niko. C'est ça. Njovile. Dans le christianisme, frère, ce sont des eaux profondes. Quand vous y entrez, vous ne voudrez pas y en sortir comme ça. Cela donne une sécurité. Cela donne une paix. Tu ne voudras plus supporter des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Le vrai christianisme, dans un homme ou dans une femme, fait que l'homme commence à se juger soi-même. Un Corinthiens, je crois, chapitre 11. Wa Corinto, wa kwanza, kumina moja. En Corinthiens chapitre 11. Wa Korinto wa kwanza sura 11. Verset 28. Mustari ya 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Kila mmoja basi apate kujipima yeye mwenyewe. Ah. Regardez le verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, kama tukiji hukumu sisi wenyewe, nous ne serons pas jugés. Hatuta hukumiwa na wengine. Ce jugement là, moi-même je commence à me mettre au banc des accusés. Hukumu, manake, mimi mwenyewe naanza kujistaki. Est-ce que nous nafanya ni Kristo? Est-ce que ce que je fais ici, c'est vraiment ma manière ni Kristo? Le désir que j'ai ici, est-ce que c'est ça? Hivi nuko naweza kufanya ni Kristo? Ce que je veux faire ici, est-ce que c'est ça? Kristo? Sa façon d'agir ici, tu n'as qu'un diacre, qu'un diacre ou un pasteur vient. Tachunga shemashi wala pastori akuye. Dieu installe ça dans le croyant. Mungu weko na iweka ndani ya mwamini. Mais manquer cela, uikosa. Iku mzuri kulura mu mazebu. Parce que là-bas on n'avait pas ça. Jumula, on avait que la morale. Tulikuwa paka tuna adabu. On avait que la morale. Tulikuwa paka na adabu. Mais ici, alakini hapa, nous nous jugeons jour pour jour nous-mêmes. Tukuna jukumu siku kwa siku sisi wenyewe. Je pèse mes pensées. Je pèse mes sentiments. Tout ce que l'homme ne voit pas, tous les hommes ne voient pas, mais moi-même je sais les regarder. Abaone, yangu. Pourquoi? Je ne voudrais pas Mishipende. Avoir des ennuis. Je ne voudrais pas avoir des ennuis. La maladie de l'âge, frère, c'est que les gens sont tellement habitués à venir à l'église que la parole ne trouve plus de la place. Maintenant, je me dis, quel sera le secours? Quel remède il faut pour un cas comme ça? Même un médecin qui te prescrit un médicament. Maintenant, tu ne le prends pas. Il est impuissant d'agir. Il ne peut pas lui te faire venir chaque jour pour te faire boire un médicament. Il considère que tu es assez mature. Il t'a fait voir les dangers de ta maladie. Et que tu es conscient. Toi-même, dans la maison, tu sais prendre ça. Mais ne pas prendre ça. C'est fini, Dieu est incapable d'agir. Dieu est incapable d'agir. Mungu anana kila atafanya. Vous vous habituez tellement à ce bâtiment. Sana vous vous habituez tellement à ce service. Sana ibada. Au lieu de vous habituer d'être avec Dieu. Awe kuwa na Mungu. C'est impensable. Hakuna namna kwezi kuiwaza mwi namna. Donc, c'est vraiment le catholicisme rénové. C'est le jour où on doit bien s'habiller et faire tout, ne pas manquer le culte de dimanche. Comme si Dieu ne parle que dimanche. C'est une grande séduction. Ma type yote mu Bible, tous ces types de la Bible, yaba minifu ba bya kweli, de véritables chrétiens, ili pas ceci kwanza kutuangaisha sana. Ça devait beaucoup nous préoccuper. Mimi mionesha je crois mkatika cha juu. Je vous ai dit, je pense au courant de la semaine. Angara mtu sa Eliezer. Regardez quelqu'un comme Eliezer. Si vous terez kusikia paka ma témoignage mukino Abraham. Chaque jour il entendait des témoignages dans la vie d'Abraham. Bintu biko nafanyika maisha Abraham. Il a vu beaucoup de merveilles. Les jours où mamesha sema weka mkono hapa lapa hautenda. Lui a dit, mets ta main sur ma cuisse et gire. Malaika atakusindikiza. L'ange t'accompagnera. Pour Eliezer, alisema Mungu wako wako. Nasomo Dieu merci. Qui j'aimerais avoir une expérience personnelle. Ninapenda na mimi nifanye onjo yangu ya upekee. Ela ila naye? Naye alifanya alipata, alipata. Si mukuya tukuna kuya. Amfena ici. Même quand on parle du baptême du Saint-Esprit. Même quand on parle de ceci ou de cela. Dans mon cœur là. Je désire que ces choses là soient réelles pour moi. Que ça ne reste pas dans la bouche du prédicateur. Je dis Seigneur. Comment aurais-je aussi l'occasion de parler de cette façon? Voilà la raison pour laquelle. Mais venir comme touriste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Vous êtes foutu. Kunaisha, kunamisha. Bon embarik. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi donc. Ivi basse. Parlant d'un temps de décision, c'est pour demander à qui la frère, à chaque frère, qui la sœur, à chaque sœur, dis-le si tu n'es pas chakushikia. C'est que nous avons déjà mangé. C'est suffisant. Alors il n'allons pas qui la frère, qui la sœur. Ça demande à chaque frère, à chaque sœur, qu'il prenne des décisions. Soit tu es Christ, soit tu es Chemamboya. De devenir soit chrétien, soit abandonner la parole. Dieu Rebecca ni mufano ya Christ. Parce que Rebecca c'est le type de croyant. Il m'a oublié qu'il n'a pas risqué à toucher mon kinoa ni Eliezer. L'épée de prédication qu'il a entendu sortir de la bouche. Comment Abraham muma kumuisho maisha yena sarenjo barumpato le Isaac. Comment Abraham au soir de leur vie. Comment Isaac njo muriti wa mali yote Abraham. Comment Isaac c'est lui l'héritier de toute la richesse. Comment ule mutoto muile ma perpesi yote. Dans tout cet effort. Arichi kaka ba mutimba ba mutinje. Il a accepté d'être. Ile ma masemo yote. Toutes ces paroles. Il isala kandanya Rebecca. Ça produit en Rebecca. Amu ya kumona Isaac na macho. La soif d'aller voir ses. C'est nous aussi les fans de Jésus-Christ. Ça nous donne la soif de voir Jésus-Christ et de le toucher. Mais comment il a vu? Si il n'en est pas ainsi, c'est compliqué. Il y en a quoi en vous? L'homme de Jésus, Moutou Yesu, frère, Ndoku. Jusque là, nous n'entendons qu'une voix nous parle seulement dans le cœur. Mais nous désirons le voir physiquement. Nous désirons le regarder. Et nous-mêmes on le regarde, nous dit, donc c'est à cause de toi qu'on a renoncé à toutes ces choses mondaines. Il est le bien suprême. Voilà la chose la plus suprême. Si la chose c'est la avoir la une suprême, maison et des véhicules, magari, tu t'es trompé. Mais avoir Christ, c'est ça la consolation pour nous. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous venons chercher. Bon embarik. Que le Seigneur vous bénisse. Mubaya dada nanduku. Le temps est devenu très mauvais, mon frère. Mubaya ina paka njua kuifahamu paka vile. Mauvais, ce n'est pas seulement. Mubaya ni njua weye kuyua kusema. Le fait, c'est pour que tu mina weza kuanguka bila kuyua kusema ni kumwene kuanguka. Je peux tomber sans le savoir que je suis déjà tombé. Mina zikuya ni kuinja maneno wa Mungu bila kuyua kusema ni kuinje. Je peux être en dehors de la parole de Dieu, mais sans le savoir. C'est pour que toi et moi qu'on commence à veiller. Kama ici côté, si tu restes à la légère, tu vivais tout la si ma mise est ma michezo. Arrête cette légèreté de vie. Regardez. Dans ameni, mumaisha. Vous trouvez quelqu'un, mutakuta mutu, frère, nduk. Quand il a une convocation du parquet, wakati bana ku convoquer ku parquet. Il est très sérieux. Atabeba bintu na royote. Atekoni wa société. Même s'il est d'une entreprise. Il se battra pour qu'on lui laisse ce jour-là aller répondre au parquet. Atalomba bampache ko ile siku jwenda kajibu ku parquet. Mais quand vous voyez un frère ou une sœur qui n'est pas en ordre avec Dieu, qui croit que tout lui est permis, non, c'est ce que l'homme de Dieu l'a dit l'autre fois, ne pas voir Dieu dans son cœur. Tu ne mérites même pas de bien manger ou de bien dormir. L'homme tremble devant le magistrat du parquet. Alors que le magistrat du parquet, à part le fait qu'il peut te mettre au cachet, il ne peut rien. Encore faut-il que tu n'aies pas l'argent, parce que si tu as l'argent, tu sais le lui donner. Mais Dieu est plus que ce que c'est le magistrat du parquet. Mais regardez comment on tremble devant nos magistrats. Mais devant Dieu, les gens s'en foutent. Vous allez trouver le magistrat en train de menacer quelqu'un. Si j'apprends que tu reprends cette histoire-là, je vais t'arrêter. Dis au chef. Oui, chef. Mais la parole vous dit une chose. Neno la Mungu yanakuambia kitu. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le dire. Vous allez me dire que cet homme est conscient. Il est ici. Il sait très bien que nous, on ne fait pas la politique. Nous, on ne suit pas les choses. Nous, on ne joue pas les jeux de cartes. Nous, on ne fait pas ceci ou cela. Mais son cœur est tranquille. Mais observez cet homme-là ou cette femme. Comme on est à Kumaïti, s'il va à Kumaïti, mon église catholique, on fait entrer la dépouille dans l'église catholique. Il se met loin, il s'écarte. Nous, on entre pas dans cette église. Ça, c'est un bâtiment. Qui a mambo ni kuti neno la mungu bien kuingia mukile kibatima. Mais observez la parole de Dieu. Mungu ne chakwa. Toi, tu as déjà renoncé à la parole de Dieu. Mukile kibatima ta unaingia. Dans ce bâtiment, même si tu y entres. C'est là qu'il voudrait maintenant manifester qu'il est chrétien. Mais le christianisme est dans ton fin, enfin, là. Qui Christ mundani au pana wa moyo wako mwili. Tu ne veilles pas sur ça. Au keshe yulu yakio. Tu ne veilles pas sur ça. Au keshe. Tu ne veilles pas sur ça. Au keshe yulu yaki Christo. Tu veux qu'on te voie? La dépouille a été amenée à l'église catholique. On a tambouka na ingambo balabala. Tu t'écartes, tu t'éloignes un peu. Là, tout le monde est chrétien. Nous, on ne peut pas communier à tous ces services-là. Mais vous communiez chaque jour avec les démons. À l'église catholique, vous ne pouvez pas aller. Mais les démons dans votre vie sont à table chaque jour avec vous. Vous êtes avec eux dans toutes sortes de saletés. Kuna yo mabuchafu yote munapatana nayo. C'est ça le pharisianisme. Donner une apparence Konekanisa, alors que dans le fin fond là, japo mupana wa moyo ni maiti. C'est vraiment cadavre. Ni muku maiti. Tu es un cadavre. Kizuri. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Bwana amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Imaneno kiloko isaidie bandu ku isaidie. Je prie de mon que ça puisse aider aux frères et aux sœurs. Kuliko siku yote muro yako mule. Plutôt que tous les jours dans ton corps. Tu vis avec Satan. Ne ukuna mina kusema utenda kumbingu. Ne tu prétends aller au ciel. Tu as des mauvaises pensées. Je ne sais pas si tu crois que Dieu peut faire quelle magie. Je ne peux pas faire la magie. La magie se passe maintenant. Magie, c'est ça le temps de jugement. Tu entends. Que cette folie puisse s'arrêter de moi. Cette tétitesse puisse s'arrêter de moi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous arrêtons par ici. La chorale peut nous entonner un cantique.